Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma. La maladie d'Alzheimer peut causer la perte d'autonomie, la confusion, des difficultés à exécuter les tâches quotidiennes, ou bien même des changements d'humeur et de comportement. Et pour les personnes atteintes, la maladie peut en plus causer la perte de mémoire. Vivre avec une personne atteinte de l'Alzheimer est aussi lourd de conséquences pour les proches aidants. Mais il y a l'espoir. Joignez-vous à la Marche pour l'Alzheimer le dimanche 28 mai. Inscrivez-vous à marchepouralzheimer.ca. Le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Et bienvenue à l'émission Grain de sable, Jean-Claude Ciel Animation. Nous avons prévu comme invité aujourd'hui Alain Deneau, peut-être un nom que vous connaissez, peut-être avez-vous rencontré Alain au Salon du Livre de Québec du 5 au 9 avril dernier. Alain était présent sur la scène de Radio-Canada entrevue avec Alain Deneau autour de quoi? Total est-elle la somme? C'est animé par François Guénette. Moi, j'étais pas à Québec lors du Salon du Livre. J'aurais bien aimé y être. D'ailleurs, j'étais plutôt en Europe, à Paris. J'ai tenté de joindre Alain Deneau au Salon du Livre de Paris, alors que ses livres y étaient, dont De quoi total est-elle la somme? Finalement, il était parti en Belgique, je l'ai raté, et là, bien, écoutez, on a prévu parler avec Alain Deneau, soyez patient, il sera avec nous dans quelques instants. Alain Deneau est venu à Québec en mars dernier, à la librairie chez Pantoute. C'était une causerie très intéressante. En fait, plus de 262 personnes s'étaient montrées intéressées sur la page Facebook. Plus de 80 souhaitaient y participer. Et effectivement, je suis passé à la librairie chez Pantoute où on peut se procurer le livre là, de quoi total était la somme aux éditions Éco-Société. Et il en reste que deux copies. Mais il y avait effectivement plus de 80 personnes à cette activité de causerie. Donc, Alain Deneau, toujours très populaire. Ici et même ailleurs, d'ailleurs à Montréal, cette activité qui avait été organisée, une causerie avec Yves-Marie Abraham, plus de 8500 participants par Facebook Time, alors qu'à Québec, le Facebook Time n'avait pas fonctionné, mais on s'attendait à des centaines de personnes à y participer à distance, mais pour des raisons techniques, ça n'a pas pu se faire. Donc, restez avec nous, on rejoint Alain Deneau, et puis on va parler de ce livre qui est vraiment quelque chose de spécial. On connaît Alain Deneau parce que du même auteur, vous avez peut-être entendu parler de La médiocratie, un livre qui est sorti en 2015 aux éditions Luxe et non pas aux éditions Éco-Société, qui nous rappelle justement comment certains médias sont médiocres ou certains politiciens sont médiocratiques. Alors n'oublions pas aussi que Alain Deneau, spécialiste des paradis fiscaux, avait sorti aux éditions Éco-Société une escroquerie légalisée précise sur les paradis fiscaux. Aussi politique de l'extrême centre aux éditions Luxe en 2016, donc auteur très très prolifique. Mais moi j'avais beaucoup aimé aussi son livre sur les paradis fiscaux, la filière canadienne, Barbade, Caïman, Bahamas, Nouvelle-Écosse, Ontario, Montréal, oui, bon, Toronto, donc aux éditions Éco-Société en 2014. Mais j'ai aussi beaucoup apprécié Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale avec William Sacher aux éditions Éco-Société et Rue de l'Échiquier, c'est la version un peu française d'Éco-Société. D'ailleurs, les lancements des éditions Rue de l'Échiquier se font souvent voisins des locaux d'Attaque France, rue Voltaire à Paris. Donc, j'ai eu la chance d'y assister à quelques reprises. Très belle librairie, un peu l'équivalent de chez Pantoute si vous passez par Paris. Et donc, Paradis sous terre, on nous rappelait effectivement, comment le Canada, en fait, est un paradis fiscal pour les minières de ce monde. Alors, faire l'économie de la haine, 12 essais pour une pensée critique aux éditions Éco-Société en 2011, toujours du même auteur, Alain Deneau. Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle, aux éditions Éco-Société en 2010. J'avais beaucoup aimé aussi une petite plaquette d'une centaine de pages. Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique avec Delphine Abadi, William Sacher. Donc, Alain Deneau s'était commis en 2008 à faire cette version écrite qui n'est plus disponible. Elle a été saisie puisque de grandes minières transnationales, effectivement, ont poursuivi des éco-sociétés. Et il n'y a que la version PDF Internet disponible sur le web qui est disponible car tous les copies papier ont été envoyées au pilon pour respecter l'entente hors cours qui avait été établie pour cette édition de Noir Canada, que j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs, qui m'avait inspiré des résolutions qui ont été présentées dans des congrès mondiaux du Parti vert à Dakar en 2012 et qui ont fait connaître effectivement le contenu de ce livre que vous pouvez lire malgré les interdictions. Là, c'est pas Alain Deneau qui peut vous le dire, je pense, mais pardon, moi, comme animateur d'une radio libre, je peux vous dire d'aller lire en version PDF des belles lectures d'été. Et un de ses premiers bons livres à Alain Deneau était Paul Martin et compagnie, 60 thèses sur la légalité des paradis fiscaux. Donc, on connaît le talent d'Alain Deneau qu'on essaie d'avoir avec nous dans quelques instants. Restez avec nous. Les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de l'île donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort aux gosses d'un bungalow, le QSC sur le statu quo. On se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides, se laissant mourir sur le divan avec leur petit air candide. Dans ce royaume de la poutine, on se complète en médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Es-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit 2-8 millionnaire, c'est le bonheur. Il se met à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon petit moron, t'as une chance sur 14 millions. Au stationnement du casino, un gosse tire une balle dans la tête. Ayant tout flobé son magot, n'avait plus trop le cœur à la fête. Mais le gouvernement s'en balance, se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance, un peu comme le prêt un pocheur. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner à loterie. Pendant des années, un petit peuple de yes-men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Les gars sont tous syndiqués, ça jase 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune frère du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de mal en tuxedo. Quand le boss d'une grosse corporation comme son usine en Gaspésie te demandera pas ton opinion, il va te slaquer sans dire merci. Un robineux qui est dans la rue au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus et non les problèmes de l'affaire. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme c'est ton avis, tu dois être PDG d'une compagnie. On apprend que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. Deux semaines et ça sombre dans l'oubli, l'histoire est morte et enterrée. Dans le parc, la véranderie, il continue à tout raser. C'est ça le problème de ma patrie, c'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Il sert les riches et les banquiers dans cette contrée, peuple des ignores. Pourquoi on se rappeler de son histoire, et c'est que juste les plaques de char qui ont encore un petit peu de mémoire. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mes mandats pour envers les gens rêves de les bouffons qui nous gouvernent. Si c'est ça que t'appelles une nation, brave que tu sois, c'est con. Des murs pour te présenter aux élections. Québec moderne, mais moi je fais mon drapeau en mer. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je fais mon drapeau en mer. Merci. Est-ce que votre drapeau est en berne? Alain Deneau, est-ce que votre drapeau est en berne? Ça dépend des jours. Ouais. Alors, en fait, vous nous incitez des fois avec vos beaux écrits dont on parlait en début d'émission. On a énuméré la liste de vos ouvrages depuis 2004. Et effectivement, vous en avez plusieurs qui concernent les paradis fiscaux. J'ai mentionné que vous étiez au Salon du Livre. Il y a eu de belles rencontres avec les auditeurs de Québec, j'en suis sûr. Mais il y a une causerie des plus originales qui a été organisée à la librairie Chez Pantoute, où j'ai vu votre livre disponible cette semaine en y allant. Il y avait plus de 80 personnes à cette rencontre de mars dernier. Et sur Facebook Time à Montréal, semble-t-il, vous avez réuni plus de 8000 participants. À Québec, ça n'a pas fonctionné, mais ce sont ce qu'on pourrait appeler des nouveaux genres de succès en librairie, ces rencontres Facebook? Oui, en fait, je suis pas le mieux placé pour témoigner de ce qui s'écrit ou se vit sur les médias sociaux. Mais effectivement, on constate aujourd'hui un appétit très grand pour un certain nombre de discours qui sont en rupture avec les propositions idéologiques de l'heure. Et comme les propositions idéologiques sont le fait de médias qui appartiennent soit aux autorités publiques qui défendent en fait une ligne convenue, et surtout le fait d'investisseurs privés qui voient les médias comme une façon de s'approprier le discours présent dans l'espace public, il est très difficile de faire valoir une pensée politique qui rejoint un grand nombre d'acteurs de la vie publique, quoi, de la vie civique, qui comprennent bien le caractère défaillant de l'idéologie actuelle. Mais qui ne trouve pas toujours des façons de l'exprimer pour les raisons que j'ai dites. Il y a plus de 10 ans, vous écriviez déjà sur les paradis fiscaux et c'était pas tellement répandu auprès de monsieur, madame, tout le monde. Puis je peux vous dire honnêtement, Alain Deneau, j'étais dans un bar jeudi dernier, des musiciens pendant leur pause, j'ai tiré l'oreille. Puis on parlait de paradis fiscal, on dénonçait des situations. Ça semble vraiment, ce discours qui était réservé aux intellectuels, aux fiscalistes, est rendu public. Et je pense que vous êtes un de ces artisans qui a permis, et chose certaine, De quoi total est-elle la somme, votre dernier ouvrage, Multinational et perversion du droit, ce dernier ouvrage aux éditions Éco-Société rue de l'Échiquier, fait en sorte que vos succès sont plus seulement réservés aux Québécois, mais en France, au kiosque du Salon du Livre à Paris où je suis passé, votre livre était en vedette, ainsi que Médiocratie. Vous étiez en Belgique, pas disponible pour des entrevues à ce moment-là, j'aurais bien aimé vous rencontrer, donc vous voyagez à travers l'Europe, en tout cas au moins francophone, pour faire connaître le résultat de vos recherches, de vos essais. Est-ce que ce succès donne des petits? En fait, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, nous étions peut-être une quinzaine ou une vingtaine en Occident, sur un mode insistant en tous les cas, à faire des paradis fiscaux non seulement un objet de recherche, mais un objet de combat, en fait, un objet politique. Depuis lors, il est apparu évident à bien plusieurs de nos concitoyennes et concitoyens que les paradis fiscaux sont au cœur des problèmes auxquels nous faisons face. C'est-à-dire que quand les gouvernements nous disent qu'ils n'ont plus d'argent pour financer des services publics que pourtant nous-mêmes nous contribuons à financer largement comme contribuables. Lorsqu'ils nous disent qu'il y a plus d'argent pour les institutions de santé, pour les écoles, pour les universités, pour un certain nombre de services sociaux, pour les minima sociaux, c'est-à-dire l'aide sociale, par exemple, pour garantir la sécurité du travail, l'accès au logement, les conditions de travail des employés de l'État, ainsi de suite, on comprend comme une évidence aujourd'hui, à juste titre, que les paradis fiscaux sont au cœur de ce problème. Ils sont l'explication du problème. Aujourd'hui, et ce qui est encourageant, c'est de voir que même un organe de presse qu'on verra surtout pas comme une officine gauchiste, là, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, ont fait état cette semaine des milliards de dollars que les entreprises canadiennes, entre guillemets, investissent dans les paradis fiscaux pour éviter de payer leurs dus ici. Les principaux paradis fiscaux où on trouve présentes les multinationales canadiennes en font le deuxième pôle d'investissement des entreprises canadiennes dans le monde après les États-Unis, c'est-à-dire avant la Chine, avant le Brésil, avant l'Allemagne, avant le Royaume-Uni, avant la France. Donc, c'est dire à quel point ces stratagèmes fiscaux que les paradis fiscaux rendent possibles avec la caution du gouvernement fédéral, avec sa complaisance, avec sa bénédiction, ces stratagèmes fiscaux que les paradis fiscaux rendent possibles au bénéfice des multinationales a un coût. Ce coût est social, ce coût est politique, ce coût a trait à la santé publique, il a trait à la sécurité du territoire, il a trait à un grand nombre d'enjeux public, et les citoyens s'en rendent compte. D'ailleurs, oui, Alain Deneau, je vous remercie de mentionner le Journal de Québec et de Montréal, car leur bureau d'enquête, sous la plume de Jean-Nicolas Blanchet, hier, dans le Journal de Québec, en fait, peut-être ça a été diffusé l'autre jour à Montréal, mais on parlait effectivement de paradis fiscaux, les paradis fiscaux au deuxième rang des investissements. Ils se classent juste derrière les États-Unis comme lieu d'investissement des entreprises canadiennes. Donc, il n'y a pas que vous, comme grand chercheur philosophe, qui se penche de ce côté-là. Quand on voit des articles comme ça qui font pleine page avec photos et descriptions dans le Journal de Québec, on sent que y a un mouvement social qui est dont vous avez peut-être planté les premières graines, mais qui pousse et qui grandit par elle-même. Ce que je veux vous rappeler... Je dirais seulement un mot là-dessus. Ce qu'on oublie souvent quand on milite, c'est qu'on ne milite pas en pure perte. Il peut sembler décourageant de produire un tract qui finit dans les caniveaux, de produire des livres qui passent au pilon, de faire des manifestations qui sont réprimées par les policiers, de mobiliser des manifestants un peu avides, je veux dire de tenir des discours qui semblent résonner dans le désert. Mais en réalité, le fait qu'un jour ou l'autre, une question de société qui a trait à la chose commune, au bien public, à l'intérêt général, surgit. Lorsqu'une telle question surgit, c'est parce qu'il y aura eu, parfois en vain ou en ayant l'impression d'agir sainement, des militantes et des militants qui auront inscrit ces points-là dans le débat public patiemment. Ce sera peut-être le cas un jour pour la malbouffe ou pour le libre-échange, par exemple. Aujourd'hui, la criminalité financière et l'évitement fiscal, qui est une façon légalisée de pratiquer une escroquerie, hein, avec la complicité de chefs d'État et de gouvernement, sont au cœur du débat public, dans la mesure où même un journal aussi peu critique spontanément que le Journal de Montréal en fait état dans sa page 1. Parce qu'on aura été plusieurs pendant 10 ans ou 15 ans à militer pour que cela advienne, même si c'était d'une manière ingrate, même si c'était dans une opposition ou une indifférence généralisée. Ce genre d'avancée, même si d'un point de vue concret, on n'a encore rien décroché, il n'y a pas d'avancée concrète, il ne s'agit surtout pas de se pavaner, mais du point de vue au moins de l'attention publique, on sent que là, on a gagné une manche, et il est important de se le rappeler lorsqu'on cède au découragement. D'ailleurs, Alain Deneau, nous saluons aujourd'hui à 11h et ils sont encore en train de marcher. Les Amis de la Terre de Québec avec d'autres groupes organisait une marche contre Monsanto, donc contre les OGM, ou pour l'étiquetage au moins de ça. On salue les centaines de personnes qui sont parties devant le Parlement à 11h pour marcher dans les rues de Québec et du Vieux-Québec. Mais si on se penchait plus particulièrement pour la raison pourquoi je souhaitais vous avoir en entrevue aujourd'hui, Alain Deneau, si on se penchait sur le cas d'école de Total, active dans plus de 130 pays, vous montrez comment l'état du droit et la complicité des États ont permis à une firme, légalement, d'ailleurs depuis quasiment plus de 100 ans, de comploter sur la fixation des cours du pétrole ou le partage des marchés, de coloniser l'Afrique à des fins d'exploitation, de collaborer avec des régimes politiques officiellement racistes, de corrompre des dictateurs et des représentants politiques, de conquérir des territoires à la faveur d'interventions militaires, de délocaliser des actifs. Je pourrais continuer sur la même veine, puisque chacun des chapitres porte un verbe qui décrit très bien le genre d'action néfaste pour la société civile, en fait, pour le bien commun, que des compagnies comme Total font. Parlez-nous, Alain Deneau, des raisons qui vous ont amené à écrire ces 12 chapitres et ces 12 verbes. J'ai été, je me suis intéressé cette fois-ci non plus aux paradis fiscaux, mais aux organisations qui les utilisent, c'est-à-dire essentiellement les grandes institutions financières et les sociétés multinationales dans le domaine de l'industrie. Je me suis intéressé au fait qu'une firme comme Total, par exemple, qui faisait, qui avait fait jusqu'à maintenant l'objet d'aucun ouvrage, je dirais fondamental là, sur ce que représente une entité comme celle-là. La firme Total avait tendance à justifier des opérations choquantes dans l'histoire et encore aujourd'hui de trois manières. En disant d'une part, ce qu'on fait est légal. Bon, ça c'est un propos récurrent chez les responsables de multinationales. Nous agissons dans la légalité. Bon. Deuxièmement, la firme a continuellement répété que elle ne faisait pas de politique, que la politique, c'est pas son affaire. À la rigueur, un PDG de la firme, Patrick Pouyanné, qui est toujours en poste aujourd'hui, dira « Nous faisons de la géopolitique et pas de politique. » Et enfin, la firme dira que le passé appartient au passé, qu'il ne faut pas essayer de comprendre ce qu'elle est devenue au vu de son dossier écologique, social et humain ces dernières décennies. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi telle était sa position, qu'est-ce que la firme essaie de nous faire comprendre, quel est son rapport idéologique au monde, c'est-à-dire quelle est sa façon de déguiser des discours d'intérêt en connaissance et qu'est-ce qu'elle veut nous mettre dans la tête. Et ce qui est clair, c'est que la firme, une firme multinationale comme celle-là, mais en cela, elles se ressemblent toutes, cherche d'une certaine façon, en prétendant à la légalité, distinguer la technicalité du droit de ce qui relève de la morale élémentaire, en fait. Je ne sais pas si vous avez en tête le sociologue Émile Durkheim, un sociologue français qui a écrit il y a une centaine d'années, notamment sur le droit, et il disait que le droit, d'un point de vue souhaitable, là, devrait être le reflet laïque et politique de ce qui relève de la conscience morale commune, de ce qu'on estime communément le devant être puni ou pas. Et il est entendu que pour l'ensemble des gens qui sont un petit peu équilibrés et sains, faire travailler de force des enfants, des femmes et des hommes, le fusil sur la tempe, c'est pas moral. Cela mérite punition, ça devrait pas advenir. Financer d'une manière cynique les deux camps d'une guerre civile pour profiter de leur affaiblissement et pour avoir accès ensuite aux richesses naturelles qui sont sur leur territoire, c'est pas moral. Mettre à genoux toute une population en finançant une élite corrompue qui mène un train de vie ahurissant pour ensuite pouvoir développer un rapport de chantage par rapport à elle, c'est là aussi répréhensible. Et le reste, je pourrais vous parler de la pollution massive au Nigeria qui est rendue, qui est le fait des multinationales du pétrole là-bas, des sables bitumineux au Canada, des modalités d'exploitation du gaz de schiste en Argentine, la fixation des cours du pétrole en France au 20e siècle, ainsi de suite. Donc, on a une série de cas concernant une multinationale comme Total, mais ça aurait pu être ExxonMobil, ça aurait pu être d'autres sociétés pétrolières, ça aurait pu être des sociétés dans le domaine de la pharmaceutique, de l'agroalimentaire, de l'informatique, du transport. Mais on a des sociétés qui commettent le pire, mais qui peuvent toujours se targuer de le faire de manière légale. toujours le target de le faire légalement. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que lorsqu'une firme agit légalement, c'est qu'elle bénéficie de la complicité d'un État, c'est qu'elle bénéficie de l'apport de détaches d'avocats qui sont capables de trouver des points aveugles du droit, de profiter de vide juridique, de profiter de l'impuissance des États, de profiter du fait qu'elles agissent sur une échelle qui échappe aux législateurs, ainsi de suite. On a l'impression, quand on vous lit, mais lorsqu'on va un peu plus en profondeur, on réalise, mais on a l'impression que ça se passe juste ailleurs, justement, en Afrique, que c'est plutôt les politiciens africains qui se font corrompre, qui se font manipuler. Mais est-ce qu'on peut ramener ça ici, au Québec, au Canada? Vous en parlez, il y a des liens quand même, total. Ce n'est pas une compagnie que française. On découvre qu'il y a des origines turques, mais que là, il y a toute une manigance qui s'est, au cours du dernier siècle, qui s'est fait, et il y a des grandes transnationales comme Power Corporation, Desmarais et ses fils qui sont près de chez nous, mais qui font partie de Total, finalement, de la Total. Oui, il y a tout récemment, Paul Desmarais fils a quitté le conseil d'administration de Total, ça s'est fait cette année, mais pendant pratiquement 15 ans, on a eu un Desmarais au conseil d'administration de la firme Total. Et cela nous témoigne du fait qu'une firme comme Total, et encore une fois, on pourra en nommer d'autres, n'est plus liée aujourd'hui à quelque État que ce soit. Une multinationale aujourd'hui est indépendante. Elle représente une autorité souveraine d'un genre nouveau, qui n'est pas politique, mais c'est une autorité souveraine quand même, qui représente l'intérêt d'actionnaires et qui le représente en développant un rapport spécifique à la loi. Et ce qui est intéressant avec Total, c'est de rappeler effectivement que cette firme historiquement française, créée sous la Troisième République par le gouvernement français de l'époque, en 1924, cette firme aujourd'hui n'appartient plus aux Français. C'est-à-dire que 72% des actions Total sont détenues par des investisseurs de tous les pays extérieurs à la France. Et parmi eux, on compte effectivement les Desmarais. Et les Desmarais, on le sait, ont le bras long. Hein. Ils ont parrainé des carrières politiques depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont influents dans le domaine des médias, dans le domaine de l'investissement. Et aussi, ils ont développé des liens personnels très étroits avec les dirigeants de la Caisse de dépôt et placement du Québec, notamment Henri-Paul Rousseau et Michael Sabia. Et on peut s'étonner, entre guillemets, de voir que la Caisse de dépôt et placement du Québec a investi deux fois plus en Alberta qu'au Québec pour valoriser le pétrole sale, hyper polluant des sables bitumineux en Alberta. Là où Total, précisément, a investi des capitaux pour exploiter ce pétrole. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si le pétrole de l'Alberta ne bénéficie pas pour être transporté d'un réseau important d'oléoducs, il ne vaudra rien. Ce pétrole est valorisé par le fait de pouvoir être transporté par des oléoducs. Et c'est précisément dans ce genre d'infrastructure que la Caisse de dépôt a investi. Et on peut se demander si le rapport, c'est-à-dire l'influence qu'exerce informellement les Desmarais sur les dirigeants de la Caisse de dépôt n'a pas motivé ceux-ci à faire en sorte que la Caisse investisse massivement en Alberta plutôt qu'au Québec dans des filières écologiques, par exemple. Donc, on voit bien, effectivement, comment cette oligarchie qui est l'actionnaire de la plupart des firmes multinationales arrive aujourd'hui à imposer son jeu indépendamment des États et souvent en soumettant les États. Donc la présence des Desmarais est certes toujours là finalement dans ça. Et vous avez fait référence au fait qu'il se mêle beaucoup de politique. Tout le monde sait, c'est pas un secret de polichinelle, que Nicolas Sarkozy Une des premières choses qu'il a fait une fois élu président, c'était de remercier la famille Desmarais. Il a donné des distinctions, la plus haute distinction que la présidence française peut donner, il l'a donnée à Paul Desmarais senior et même à sa femme qui n'avait pas fait grand-chose. Elle ne siège pas sur aucun conseil d'administration. Elle a s'est mérité de grandes distinctions et ça, c'est surtout depuis que Édouard Balladur avait un poste important en France auquel Sarkozy appartenait à cette école. Alors, ils sont toujours là et présents. Pensez-vous que dans le gouvernement qui vient d'être nommé, Édouard Philippe, ancien directeur corporatif lobbyiste pour Areva, qui est de l'école Alain Juppé, donc est-ce que on peut penser que il y a encore de l'influence. Nos grands de ce monde canadien ont de l'influence sur le nouveau gouvernement français. Mais il est vrai que Nicolas Sarkozy avait dit lui-même qu'il devait en partie sa présence à l'Élysée, c'est-à-dire au palais présidentiel de France, à l'apport et au soutien que dont lui avait fait grâce Paul Desmarais père. Bien entendu que aujourd'hui, Total, qui est la principale société française, avec celle que contrôle aussi le multimilliardaire Bernard Arnault, bien entendu que cette firme-là exerce une influence spectaculaire sur les autorités républicaines françaises. On n'a pas besoin de passer strictement par les Desmarais. Les Desmarais ont pu avoir une influence privilégiée, je dirais particulière, sur Nicolas Sarkozy. Mais en tant qu'ils sont investisseurs actionnaires dans Total, ils peuvent compter sur la firme elle-même par rapport à tout ce qu'elle représente pour entretenir des liens symbiotiques avec la République. Vous savez, par exemple, qu'il y avait un candidat, celui, je dirais, officiel de la droite, là, celui de la droite traditionnelle, c'est-à-dire François Fillon, qui a eu pour directeur de cabinet à l'époque où il était ministre, justement dans cette période de 1993-1995, Patrick Pouyanné, qui est l'actuel PDG de Total. Continuellement, on voit des jeux de porte tournante s'exercer entre les acteurs de Total, c'est-à-dire les grands employés de la firme et les employés d'envergure là, qui ont des postes à haute responsabilité et d'autre part des représentants de la République française. Et ce cas-là est emblématique des liens très étroits que les grandes entreprises arrivent à nouer avec les dirigeants politiques. Ici, on pourrait faire une étude du même genre en ce qui concerne des firmes comme Jean Coutu, Bombardier, SNC-Lavalin, Vidéotron, Québécois et d'autres, et voir en quoi aujourd'hui des dirigeants de grandes entreprises n'ont même pas à faire du lobbying au sens formel du terme, c'est-à-dire s'enregistrer puis aller faire des représentations auprès de tel ou tel élu. On est dans un si petit monde chez nous que un dirigeant d'entreprise prend son téléphone et appelle tel ou tel ministre ou le premier ministre, sans doute en l'appelant par son petit nom, parce qu'on est dans un petit monde. Mais en France, même si la démographie est d'une autre ampleur, la chose ne fait pas vraiment exception, en tout cas en ce qui concerne la firme Total et les dirigeants politiques qui occupent des postes clés. Oui, surtout quand on voit que le nouveau président de la République française est vraiment un ancien de la banque Rothschild, qui eux aussi ont contribué à faire élire plusieurs présidents de la République depuis longtemps, en fait. Et donc, ce Macron qui choisit un premier ministre qui est un ancien d'Areva, il y a quand même... c'est facile pour nous de voir que ces tendances... Donc, la loi qui domine n'est plus vraiment celle des États, mais celle du marché. Oui, mais je dirais que dans mon livre, je trouve intéressante cette analyse des réseaux, mais dans mon livre, j'ai essayé de montrer comment aujourd'hui les multinationales sont devenues des structures, des pouvoirs si puissants qu'ils mènent le jeu de toute façon. C'est-à-dire qu'au-delà des trafics d'influence, au-delà des jeux de réseaux, des logiques de club quoi, entre soi, la dynamique mondiale, l'existence de lobbies, l'existence de, d'accords de libre-échange qui prévoient des mécanismes de règlement différents à l'avantage des multinationales et au détriment des États, l'existence d'un pouvoir de chantage au profit des multinationales, à savoir que les multinationales peuvent priver un État de financement, peuvent priver un État d'accès aux liquidités financières dont ils ont besoin, peuvent priver un État d'accès aux richesses minières ou pétrolières, ou encore rendre un État insolvable, ou quoi encore. Le pouvoir de chantage des institutions financières et des grandes entreprises est tel que même si un État n'était pas lié de par tous ses réseaux aux acteurs d'une entreprise multinationale, celle-ci pourrait quand même le faire plier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, si on veut analyser la géopolitique mondiale, force est aujourd'hui de se présenter à soi-même, les multinationales intellectuellement, là, comme des formes nouvelles d'autorité. Il faut cesser de penser que les multinationales sont seulement des entreprises. Ce sont pas des entreprises, ce sont des pouvoirs. Ce sont des pouvoirs autonomes qui agissent d'une manière nouvelle, d'une manière différente des États, mais néanmoins comme des autorités et au profit d'actionnaires, au profit d'acteurs qui ne sont pas des citoyennes ou des citoyens, mais qui sont des détenteurs d'actions et des investisseurs. Et selon des logiques toutes nouvelles, et cette façon d'approcher les choses fait loi. Elle fait loi et elle force, au fond, la mise au pas d'acteurs publics, quels qu'ils soient. Et c'est ce que j'ai appelé dans un autre livre, l'extrême centre. C'est-à-dire que cette façon de conformer à un discours prétendument rationnel, raisonnable, pragmatique et équilibré des acteurs de toute provenance. Si vous regardez le programme de Tsipras et celui de Trump et celui de Macron, vous verrez qu'ils se ressemblent beaucoup. Parce qu'en fait, en gros, le programme de l'oligarchie contemporaine consiste à dire aux dirigeants publics, s'ils veulent garder leur poste, s'ils ne veulent pas être enquiquinés par la finance mondiale et la grande industrie, d'obéir à 5 points. Ils sont simples à résumer. Plus de fonds pour les entreprises, plus de dividendes pour les actionnaires, plus d'accès aux paradis fiscaux, moins de fonds pour les services publics, moins de droits pour les travailleuses et les travailleurs. Et si on applique un modèle du genre, on restera au pouvoir. Sinon, les médias que détiennent les oligarques, c'est-à-dire les investisseurs, les détenteurs de fortune, sauront faire mal paraître les prétendants au trône. Effectivement, on a tous ces éléments de programme dans le gouvernement Macron là, qui vient de commencer son œuvre pour les 5 prochaines années. Mais dans ce livre, de quoi Total est-elle la somme? Il y a d'autres histoires qui sont moins connues, Alain Deneau. Vous nous rappelez comment la multinationale a collaboré avec le régime raciste d'Afrique du Sud pendant l'apartheid, en y important, raffinant et distribuant du pétrole. Comment elle a su profiter d'affrontements armés en Angola et en Libye, où l'État français était à la manœuvre pour conquérir des gisements jusqu'alors inaccessibles. Bon, on pense toujours qu'il n'y a que les Américains qui travaillent comme ça, mais on peut inclure les Français là-dedans. Là. Oh, tout à fait. Je veux dire, les Français n'ont pas attendu les Américains pour comprendre le capitalisme. On a là... Ce qui est intéressant avec l'histoire de l'Afrique du Sud ou encore de l'Algérie, quand on analyse l'évolution de la firme Total, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le capital, ce qu'on appelle le capital, et le capital, c'est pas seulement les actifs financiers, là. Le capital, c'est tout ce qui permet à une firme de croître, ce sont les usines, les infrastructures, les foreuses, les titres de propriété, les concessions, les brevets, ainsi de suite. Donc, le capital de Total ou de toute multinationale relève de son passé. Et c'est pour ça que je dis que il est intéressant d'écouter ce que nous dit la firme lorsqu'elle nous prétend que le passé appartient au passé. C'est absolument faux. Ce qui fait le capital d'une firme, c'est son passé. C'est le fait qu'elle se soit engagée dans différentes manœuvres, dans différentes opérations qui peuvent être parfois non seulement illicites et controversées, mais carrément criminelles. Ou en tout cas, relevées de pratiques tout à fait contestables. Vous prenez Total, par exemple, effectivement, aujourd'hui encore, la firme a des chantiers tout à fait pharaoniques en eau profonde au large des côtes de de l'Afrique du Sud. Elle détient des parts dans une raffinerie, elle produit des lubrifiants, elle a un réseau de distribution au détail, l'essence à la pompe, là, tout à fait impressionnant. Et si elle est en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est parce qu'elle a collaboré avec le régime ségrégationniste de l'apartheid à partir des années 50. Et elle doit à cette collaboration-là et à cette à ces liens historiques-là, le fait de sa présence aujourd'hui. On pourrait dire la même chose de sa présence au Myanmar en lien avec la junte militaire birmane, ou encore son lien avec sa présence au Congo en lien avec la dictature de Denis Sassou Nguesso qui est là après des décennies de règne. Et encore, on pourrait parler d'autres cas de figure, l'Algérie étant aussi emblématique puisque c'est du fait d'un endettement odieux serrant à la gorge le peuple algérien que la firme a pu avoir accès à des marchés. Bon, je passe sur les détails techniques, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut comprendre pourquoi une firme est puissante par rapport à d'autres acteurs, pourquoi c'est une firme qui arrive à s'imposer et non pas telle ou telle PME dans l'histoire, c'est parce que très souvent, les multinationales ont un passif lourd, noir, sombre en ce qui concerne les droits humains, l'écologie, la politique, la démocratie. Et c'est souvent en pactisant avec des régimes infréquentables, hein, du point de vue des droits universels, qu'une firme arrive à dégager du capital, c'est-à-dire à mener des opérations très lucratives. Tout à fait. Et Total ne fait pas exception. Tout à fait. D'ailleurs, dans Reporter.net, un quotidien électronique que j'adore, d'ailleurs, Hervé Kempf est là pour déterminer un bon contenu. D'ailleurs, il y a un bon article de Baptiste Giraud qui vous interview en mai dernier concernant ce livre dont on fait l'entrevue aujourd'hui, de quoi Total était la somme, et vous rappelez que dans une Birmanie contrôlée par la junte militaire, Total a asservi une main-d'œuvre bon marché pour installer une exploitation offshore et un gazoduc. Et je vous cite, « Quand, dans les années 1990, Total s'engage au pays, tous connaissent la férocité du régime, arrestations arbitraires, détentions massives d'opposants politiques, conditions d'emprisonnement terribles, violence envers les minorités culturelles, font entre autres partie de ces pratiques. Total ne fera pas que profiter des petites mains qui travaillent pour elle dans un contexte esclavagiste, mais de par sa présence, son autorité et surtout ses contributions en espace sonnante et trébuchante, elle consolidera en le finançant le fonctionnement même de cet appareil répressif. La persistance du régime s'explique par la rente pétrolière et gazière. » Avez-vous d'autres exemples à nous rappeler? Autre la Birmanie, je pense qu'il y a la Bolivie aussi. Mais lesquels sont les plus marquants dans tout cet ouvrage? Oui, ben en fait, il y a 12 chapitres qui déclinent énormément de cas. Puis il s'agit à chaque fois de montrer non seulement en quoi l'activité d'une multinationale telle que celle-là peut susciter l'indignation. Hein. Effectivement, la Bolivie concernerait la façon de prendre à la légère des considérations constitutionnelles sur la consultation des Premières Nations. En ce qui concerne le Canada, ce serait la façon dont on arrive à bénéficier étrangement de l'apport de fonds souverains comme la Caisse de dépôt et de placement du Québec. En Iran, ce serait sur la façon qu'on a eu de verser des commissions sur un mode occulte, selon certains tribunaux, pour accéder à des marchés. Sinon, en France, ce serait la façon de fixer les cours au 20e siècle avec le concours d'autres multinationales du pétrole. On aurait, sinon, en Algérie, cette mainmise sur des gisements à la faveur d'un endettement odieux dont je parlais tout à l'heure au bénéfice d'une oligarchie locale opulente. On pourrait parler du Nigeria qui, dans la région du Delta du Niger, voit une population souffrir du fait qu'il y a des fuites d'oléoducs à flux tendu année après année, de telle sorte qu'on a une marée noire par année là-bas. Les gens en meurent littéralement. Et le reste est le reste. Et ce qui est intéressant, au-delà du caractère choquant de tous ces exemples, c'est de voir comment, dans la géopolitique actuelle, pour mille et une raisons, et c'est ce que j'essaie d'analyser distinctement chapitre après chapitre, les multinationales, parviennent à agir de la sorte sous le couvert de la légalité. Mais, alors que vous et moi, lorsqu'on excède la limite de vitesse sur l'autoroute ou lorsqu'on fait travailler des gens qui n'ont pas l'âge de travailler quand on gère une PME ou lorsqu'on oublie un T4 dans une déclaration de revenus, nous en faisons les frais du point de vue du droit. C'est-à-dire que nous sommes soumis à une autorité publique qui fait valoir la légalité ou l'illégalité de tel ou tel geste. On est face à des multinationales qui sont hors la loi, qui sont au-delà de la loi, qui se jouent de la loi ou qui font la loi. Mais Alain Deneau, la question, justement, vous me la lancez comme ça, comme un miroir, mais comment réussissent-elles à rester impunies? Parce que les multinationales se définissent du fait d'être fragmentées et plus grandes, plus étendues que les États. Une multinationale n'est pas une société une. La librairie du coin est une société une. La pizzeria familiale du coin est une société une. Le quincaillier du coin, qui n'est pas intégré à une multinationale, est une société une. Une multinationale n'est pas une société. Ce sont des centaines de structures légales qui font réseau. En total, par exemple, ce n'est pas une société, c'est 882 sociétés consolidées créées dans 130 différents pays. Donc, chaque entité, et c'est vrai pour Nestlé, c'est vrai pour Boeing, c'est vrai pour Microsoft, c'est vrai pour Danone, c'est vrai pour Monsanto, chaque entité du groupe, chaque filiale, chaque structure, chaque holding, chaque trust, chaque banque privée qui appartient au groupe, est autonome en droit, bien que solidaire financièrement, c'est-à-dire que bien que régie par le même actionnariat et le même conseil d'administration. Ce sont des entités indépendantes. Total au Canada et Total au Nigeria sont deux structures indépendantes en droit. Elles peuvent se prêter de l'argent, elles peuvent se vendre des biens, s'envoyer des factures, elles peuvent même se poursuivre en justice. Ce sont des structures indépendantes. Et donc, qu'est-ce qu'une multinationale? Une multinationale, c'est un réseau d'entités indépendantes qui pèsent sur les pays sans qu'aucun pays ne soit capable de légiférer à l'échelle qui est la leur, c'est-à-dire le monde. Tandis que les multinationales agissent à l'échelle mondiale et pèsent dans le monde, que ce soit Coca-Cola, Boeing, Goodyear ou Total, pèsent dans le monde, pays par pays, de tout leur poids. Aucun pays ne peut légiférer, aucun tribunal de ces pays ne peut délibérer à l'échelle sur laquelle évoluent les multinationales. Et c'est ce qui font qu'elles arrivent à créer une sorte de loi du marché, une loi du commerce, une loi des affaires qui est plus puissante que le droit des États et qui arrive à s'imposer dans l'histoire. Ça, on le comprend, Alain Deneau, que on soumet les États à la loi de la multinationale par le lobbying, la cooptation, le financement des carrières politiques, ça vous l'avez soulevé, c'est sûr. Les menaces de délocalisation, hein, on veut pas perdre les gros jobs payantes, les poursuites devant les instances de règlement, mais un État peut-il aujourd'hui reprendre le contrôle face à un tel pouvoir organisé? Est-ce qu'il y en a un État? Est-ce que du côté des Scandinaves, on fait mieux que tout le reste? Est-ce qu'il y a un État exemplaire? Ben, je ne porterai pas de lunettes roses. Hein. Le problème de la mondialisation, c'est que les choses sont allées beaucoup trop loin. Et aujourd'hui, on aurait beau admirer la Norvège, la Suède, la Finlande ou le Danemark, aucun de ces pays ne peut légiférer à l'extérieur de ses frontières. Le gouvernement norvégien n'a d'autorité que sur ce qui a trait au territoire de la Norvège. Donc si, et même chose pour la France, imaginons que la France donnait aujourd'hui un vrai gouvernement socialiste, là, qui aurait des vraies visées liées Mélenchon, par exemple, puis aux services sociaux, puis à la chose commune. Bon, là ne pourrait pas légiférer quant à ce que fait Total à l'extérieur de la France. Et puis Total le sait très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait ces dernières années? Elle a fermé des raffineries en France, puis elle en a ouvert en Arabie Saoudite. Évidemment que ça a trait au contexte social et fiscal du deuxième pays. Mais le gouvernement français, dans l'ordre de la mondialisation, ne peut pas interdire cela. Et on a laissé, au fil des décennies, puis je dirais même des siècles, là, depuis le 19e siècle, on a laissé les multinationales se développer. Et aujourd'hui, on est prêt avec des Frankenstein, c'est-à-dire avec des pouvoirs qui se sont échappés, qui ont échappé à leur créateur et qui sont devenus des créatures autonomes. Et le problème, c'est d'essayer aujourd'hui de conjuguer avec elle. Et quand on en est à parler de responsabilité sociale des entreprises et à parler de mesures volontaires, on témoigne d'un phénomène d'impuissance de la part des États. C'est-à-dire que ces structures-là sont tellement pas encadrées, elles ne sont tellement pas encadrables, elles ont tellement échappé à toute forme de contrôle public puisqu'elles évoluent à une échelle mondiale qui est une échelle sur laquelle aucun État ne peut légiférer, qu'on leur demande finalement de se contenir sur une base volontaire. On leur dit, mais puisqu'on peut rien contre vous, puisque vous êtes plus puissante, puisque vous pouvez tout faire, au moins acceptez de vous contrôler vous-même, au moins modérez-vous un petit peu, ne serait-ce que dans votre intérêt. Et quand on en est là, c'est vraiment que le politique a échoué dans l'histoire et qu'il faut tout revoir. Il faut réapprendre à se donner des institutions qui nous ressemblent. Il faut repenser complètement le fait même de l'institution publique. Et ça, on en a pour tout un siècle au moins. Merci. Alain Deneau, justement, « Quand les puissants tentent de bâillonner l'information », c'était le titre de reporter.net le 5 avril dernier. Julie Lallouet-Geoffroy m'a rejoint, effectivement, j'étais à ce moment-là à Paris et j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de reporter.net et je leur soulevais les problèmes que vous aviez eus, Alain Deneau, avec le livre « Noir Canada ». D'ailleurs, je me demandais si vous aviez le droit d'être interviewé. J'ai dû vérifier avec M. Deneau s'il peut parler de son livre Noir Canada, qui est un cas classique où on a voulu bâillonner des citoyens, des éditeurs, à coup de poursuites de 5 millions de dollars canadiens. Et je leur disais, faites attention, peut-être qu'il n'y a pas le droit d'en parler. Et j'en parlais en début d'émission, que le livre, l'ouvrage Noir Canada, que vous avez commis avec Delphine Abadie et William Sacher, n'est plus disponible en version papier, même si j'en ai une cachée quelque part dans mon grenier, mais disponible en version électronique. Est-ce vrai qu'on ne peut plus trouver de copie papier, que c'est interdit d'en avoir une copie? Ou pourquoi peut-on en avoir une copie? Faut pas tout confondre. Là, oui. On est quand même minimalement dans un état de droit. Là, on peut avoir un exemplaire chez soi de Noir Canada. Évidemment, la police ne va pas venir nous le chercher. En fait, il y a eu une poursuite de la part de deux sociétés minières, Barrick Gold et Banro Corporation, pour 11 millions de dollars face à un éditeur à but non lucratif, Éco-Société, et trois auteurs indépendants, c'est-à-dire deux chercheurs et un auteur, c'est-à-dire Delphine Abadie, William Sacher et moi-même, dans un litige qui, ma foi, portait davantage sur des réflexes judiciaires d'une entreprise que sur le contenu d'un livre, quoi. Parce que on sait que Barrick Gold, notamment, a poursuivi, a envoyé des mises en demeure aux intéressés avant même d'avoir lu le contenu du livre. Vous attendez peut-être pas à ce que je résume tout ça en une minute. Non. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un règlement hors cours qui a effectivement supposé, après 3 années et demie de lutte, dans un rapport dont les moyens étaient à l'évidence disproportionnés là, en termes d'accès à la justice, qui a supposé que les auteurs et chercheurs du livre et éditeurs retirent le livre en retour de l'abandon de la poursuite. Cela dit, depuis lors, j'ai toujours parlé de ce livre-là allègrement, et en plus, j'ai fait paraître avec William Sacher un autre livre qui s'intitule « Le paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale ». Et ce livre-là est toujours disponible, et c'est essentiellement le contenu de Noir Canada avec une autre couverture. C'est exactement le même livre. Alors, on peut se le procurer, celui-là. Okay. Et évidemment, moi, je pourrais, à une autre occasion, autant que vous le souhaitez, vous parler de Barrick Gold au Congo, vous parler d'accord. de Barrick Gold ah bon. En Tanzanie. Je pensais que vous étiez bâillonné. Mais bien sûr, pourquoi j'aurais... qui? C'est quand même étonnant qu'on pense... On croit avoir si peu de droits alors qu'on en a encore, mais ces droits-là existent que si on les mobilise. Oui, mais je pensais que vous étiez bâillonné parce qu'en France, les poursuites bâillons se multiplient depuis quelques années. Le procès en diffamation du groupe Bolloré contre nos confrères de Bastamag est emblématique d'un industriel qui ne souhaite pas que ses activités camerounaises soient étalées dans la presse en 2012. Quand on parle de poursuites bâillons, ce qu'on veut dire, c'est que le poids des poursuites, l'exigence que cela représente, le fait d'être poursuivi lorsqu'on est un particulier, le fait de devoir se présenter devant les tribunaux, de présenter une défense, l'intimidation que cela représente contribue à nous bâillonner dans le sens où il y a beaucoup d'acteurs qui vont se garder de se prononcer sur des questions du fait de craindre des poursuites. Donc, le problème des poursuites, c'est qu'elles jouent sur l'autocensure. Mais on est quand même dans un régime de droit et officiellement, il n'y a pas de loi qui m'empêche de parler de Noir Canada. Mais c'est très bien pour ça et j'espère qu'il n'y avait pas de loi qui vous interdisait de nous donner autant de détails sur votre ouvrage, de quoi Total est-elle la somme. Est-ce que, en terminant, M. Alain Donneau, est-ce que vous avez d'autres ouvrages sur lesquels vous vous penchez? Est-ce que vous avez des choses que vous pouvez nous faire part pour le prochain Salon du Livre de Québec? Ben, j'ai travaillé beaucoup sur les paradis fiscaux, sur les relations Nord-Sud, sur la démocratie, sur la médiocratie, sur les firmes minières et pétrolières, sur le rapport du Canada, le rapport impérialiste du Canada à la Caraïbe britannique ces dernières années. Je me suis intéressé au concept de gouvernance et j'aimerais à partir de maintenant faire une halte et peut-être revenir éventuellement sur la notion d'économie qui me semble devoir être approfondie d'un point de vue plus conceptuel que technique. Mais c'est pas un engagement, là, je vais profiter de l'été pour faire le point. Ben, on vous remercie justement d'avoir consacré une partie de l'après-été en ce jour de printemps, Alain Donneau. Merci beaucoup de nous avoir consacré autant de temps. Vous savez, ici, quand on est des invités trop intéressants, ben, on met pas de musique, puis on y va en continu. Donc, je vous remercie d'avoir confirmé cette règle. Et vous savez, l'émission Grain de Sable, qui offre ce genre de plateforme, se terminera la semaine prochaine. Donc, au plaisir. Peut-être que sous d'autres formes, sous d'autres associations que celle d'Attaque Québec, on pourra avoir ce genre d'émission. Et d'ailleurs, on vous remercie de tout le travail que vous faites pour Oxfam Québec, qui, je pense, ont un des meilleurs porte-parole en la matière. Merci beaucoup, Alain Donneau. Ben, merci, ça a toujours été un plaisir d'intervenir chez vous. Merci beaucoup. Au revoir, bonne fin de journée. Alors, c'était Grain de Sable du 20 mai qui, en fait, en est à sa dernière. Donc, je remercie encore une fois Alain Donneau et nos amis des Amis de la Terre qui ont marché contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés, qui sont partis du Parlement et qui ont peut-être terminé leur marche à l'heure qu'il est. Merci de consacrer peut-être que, justement, comme on le faisait pour les paradis fiscaux il y a quelques années, peut-être qu'à force de marteler une promesse électorale du gouvernement actuel, du gouvernement Trudeau, du gouvernement libéral fédéral, qui a, en 2003, avait promis d'arrêter de cacher les OGM dans votre nourriture, mais plutôt au moins d'avoir une sorte d'étiquetage. Donc, bonne chance à ceux qui veulent de l'étiquetage pour OGM. Vous savez, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de pays qui le font. Quand vous allez à l'épicerie, vous regardez les ingrédients. Et pourquoi il n'y aurait pas le logo OGM que vous connaissez peut-être? Sinon, mais faites des recherches sur Internet. Alors, ça existe. Surtout quand on boit ou on mange du soya, il faut vérifier un des produits où il y a le plus grand pourcentage de produits génétiquement modifiés. Ben, c'est le soya. Donc, on surveille ça. Le maïs aussi. Attention à tout ce que vous mangez. C'était l'émission Grain de Sable. Et écoutez, on va en reparler un peu plus la semaine prochaine. Préparez votre agenda. C'est la foire Écosphère qui s'en vient samedi 3 juin et dimanche 4 juin. Ça, on voit les 30 000 formulaires affiches distribués un peu partout, mais ils ont oublié d'annoncer que le 2 juin, vendredi soir, ça commence la foire Écosphère avec le visionnement du film Le bien-vivre simplicitaire d'un café à l'autre en version 52 minutes, suivi d'un café philo. S'il y a des questions d'actualité qui vous préoccupent, les paradis fiscaux, les organismes génétiquement modifiés, venez poser les questions en groupe et peut-être que votre question sera choisie au vote par les autres participants qu'on assoira en cercle. Et c'est ça, tout simplement, un café philo. C'est qu'on fait un tour de table, on vous demande « Avez-vous des questions qui vous préoccupent, des questions d'actualité ?» Dans peu importe le domaine, et ensemble, on vote. La question qui a eu le plus grand nombre de votes, eh bien, c'est celle qu'on choisit, et chacun peut parler 3 minutes du sujet sans être interrompu. Quel plaisir d'essayer de changer le monde ensemble. C'était Grain de Sable, Jean-Claudier à l'animation. Salut! Téléchargez le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. J'ai un formulaire et un chèque à remplir. J'aimerais tellement lire le journal et comprendre les articles. J'aimerais améliorer mon français pour reprendre mes études et trouver un travail. Je voudrais écrire des messages à mes amis et à ma famille. J'arrive pas à lire ce qui est écrit sur ma bouteille de médicaments. Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, répond à vos besoins en écriture et en lecture. Accueil chaleureux, atelier dynamique, pas de gêne, pas de stress. Appelez-nous au 418-841-1042. Lecœuralire.com. En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg.